طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 54 dans l'explication du livre Iqtiba Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim, écrit par le Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Cheikh al-Islam, et avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son commentaire qui s'intitule Al-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtiba Sirat al-Mustaqim. Au dernier cours, quand on a terminé, on expliquait le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui mentionne le fait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade à la fin de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié assis. Et Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu était à côté de lui et il répétait le takbir du prophète sallallahu alayhi wa sallam puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la voix faible parce qu'il était malade et les gens donc suivaient la prière de Abu Bakr. Tandis qu'Abu Bakr lui suivait la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a commencé à faire la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait assis, puisqu'il était trop faible pour prier debout, et il a fait signe aux gens de s'asseoir derrière lui, parce que il ne pouvait pas, après la prière, il a expliqué qu'il ne voulait pas que les gens ressemblent aux kuffar, yani, quand ils sont en présence d'un roi ou d'un empereur, eh bien, les gens sont debout tandis que le roi il est assis. Donc il a dit, quand votre imam prie assis, priez assis, vous aussi, pour ne pas imiter justement ces peuples-là qui, chez eux, lorsque le roi est assis, eux ils restent debout. Donc il voulait que si l'imam prie assis, que tout le monde prie assis derrière lui. Donc, ensuite de ça, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, maintenant, il rentre dans la question du fait que certains savants ont dit que cet ordre-là a été abrogé. Et donc, il explique, Ibn Taymiyyah, il explique que malgré que l'ordre aurait été abrogé, mais l'interdiction de ressembler et d'imiter les kuffars demeure quand même. Tu vois? Et il rentre dans une grande discussion, une grande explication à ce sujet-là. Donc, pour éviter donc de lire tous les détails de qu'est-ce qu'il explique, c'est des détails vraiment spécifiques qui profitent uniquement à ceux qui sont spécialisés. Comme Cheikh Al-Fawzan a dit, c'est des détails pour les gens qui sont spécialisés, donc les gens du commun ne vont pas profiter de ces détails-là. Si quelqu'un peut juste diminuer l'appareil parce que je l'ai mis au max. Juste si tu peux l'appuyer au milieu là. Ouais, c'est ça. Barakallahu fik. Donc il dit wa qultu, donc il explique ensuite un autre hadith qui relie à ça. Il dit wa aidan fa an Ubadah ibn Samit qal kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha ittaba janazatan لم يقعد حتى توضع في اللحد فتعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. قلت: وقد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شيعت، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة، ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمرة فعندته حديث علي وحديث عبادة هذا، وإن كان القول بهما كليهما ممكنا لأن المشيع يقوم لها حتى توضع في أعناق الرجال ولا في اللحد. وهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره أو يكون ناسخا لغيره وقد علل بالمخالفة، ومن لا يقول به يضعفه، وذلك لا يقبح في الاستشهاد والاعتضاد به على جنس المخالفة. Donc ici ensuite le cheikh il cite un autre hadith qui est rapporté selon Ubadah ibn Samit. Et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il suivait une janaza, un funérail, il ne s'assoyait pas jusqu'à ce que le mort soit déposé dans la tombe, dans l'ahd. Et l'ahd c'est quoi? C'est, vous savez que dans l'islam, la sunna, quand on creuse le trou pour enterrer le mort, c'est qu'on creuse le trou en profondeur, puis une fois au fond, on fait une ouverture par la droite. Hein, au fond, on creuse un autre trou par la droite en bas de la terre pour faire rentrer le corps dans ce trou-là, vers la droite, puis après on le couvre avec des pierres ou de la terre, puis après ça on remplit le trou. Comme ça, quand on verse la terre pour fermer la tombe, la terre ne tombe pas directement sur le corps parce que le corps est dans le petit espace qui est à droite au fond du trou. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Oui, c'est ça ce que je voulais dire. Donc ça c'est la sunna qu'on appelle al-lahd. Al-lahd. Allah, je ne pourrais pas te dire ça. Je pourrais pas te dire combien exactement, mais bon, c'est pour te dire ça, c'est comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc ça c'est la sunna. Ça c'est la sunna. Et en même temps, bon, vous allez voir, il y a un hadith aussi qui explique que ça c'est pour, en même temps, pour nous distinguer des juifs et des chrétiens. Parce que les juifs et les chrétiens ne font pas al-lahd. Ils mettent le corps directement à tout droit dans le trou, ok? Et donc, qu'est-ce qu'il explique le hadith? Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'il suivait la janaza, la funéraille, il n'allait pas s'asseoir jusqu'à ce qu'on ait posé le mort dans al-lahd, dans cet espace-là à droite. Et il y a un rabbin juif qui a dit, c'est ainsi que nous faisons, c'est-à-dire on ne s'assoit pas avant que le corps soit posé. Alors, le juif a dit, nous aussi on fait ça comme ça, c'est-à-dire on ne s'assoit pas avant. Alors, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a entendu le rabbin dire ça, alors il s'est assis directement. Il n'a pas attendu que le corps soit déposé. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, khalifuhum, c'est-à-dire, faites le contraire, faites pas qu'est-ce qu'ils font. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et At-Tirmidhi. Toutefois dans le hadith, le hadith n'est pas authentique, bien il y a une faiblesse dans le hadith. Mais le cheikh il le rapporte juste pour montrer le point qu'il y a plusieurs hadiths qui supportent le fait de contredire ce que font les juifs et les chrétiens et les kuffars en général. Et il explique qu'au sujet de se tenir debout lorsque passe une funéraille, il y a eu divergence d'opinion entre les ulama sur cette question-là. Et certains se sont supportés par ce hadith-là, d'autres par d'autres hadiths. Et en tout cas, il explique qu'il y a des divergences. Le point, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit plus loin, « Laysa al-gharadu huna al-kalamu fi ayn al-mas'ala. » C'est-à-dire, le but de parler de ça, c'est pas de parler de la question de la janaza elle-même, puis des divergences des ulama entre eux sur ça. Le but c'est de faire comprendre la question de la divergence et de faire de contredire les juifs et les chrétiens. C'est ça le point. Il dit aussi également « وَأَيْضًا فَعَنْ إِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِهَيْرِنَا رواه أهل السنن الأربعة. وعن جرير ابن عبد الله البجلي قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه أحمد وابن ماجة. وفي رواية لأحمد الشق لأهل الكتاب وهو مروي من طرق فيها لين لكن يعبد بعضها بعضا. Le cheikh il rapporte d'autres hadiths maintenant qui sont rapportés, et le premier c'est selon Ibn Abbas, radiallahu anhu. Il explique que Al-Lahd, comme je vous ai montré, la façon d'enterrer les morts dans l'islam en faisant un espace à droite pour mettre le mort à l'intérieur avant de le fermer, ça c'est pour nous, et Al-Shaqq li-ghayrina. C'est-à-dire Al-Shaqq, c'est-à-dire juste faire un trou dans la terre pour mettre le mort, ça c'est pour les autres. Nous, on a l'ahd. Et eux, ils ont autre chose. Donc, c'est pour dire qu'on se distingue des kuffars dans la façon, même dans la façon comment on enterre les morts. Et c'est rapporté également selon Abdullah al-Bajali. Abdullah al-Bajali, il a rapporté un hadith dans le même sens, selon Ahmed et Ibn Majah. Il est rapporté selon, par Ahmed et Ibn Majah. Et dans une autre narration de l'imam Ahmed, il dit que Ash-Shaqq les Ahl al-Kitab, c'est-à-dire juste de faire le trou pour mettre le mort, ça c'est pour les gens du livre. Nous, ça c'est pas notre façon. Et en même temps, c'est pour noter que une des conséquences négatives du fait de vivre chez les kuffars, eh bien, c'est justement que lorsqu'on meurt, on est contraint de se faire enterrer selon des méthodes et selon des façons qui sont en contradiction avec la charia de l'islam. Et on n'a pas le choix. Par exemple, de se faire enterrer dans un cercueil. Et on sait que dans l'islam, on n'a pas le droit de se faire enterrer dans un cercueil. Parce que dans l'islam, on entoure le corps du mort dans un linceul. Hein? Il est lavé, puis il est entouré dans un linceul, puis on l'enterre dans la terre directement. Hein? Tandis que ici, dans les pays de Kouf, comme au Canada ou ailleurs en Europe, eh bien, ils forcent les musulmans à être enterrés dans des cercueils. Une autre chose aussi, c'est qu'on n'a pas le droit d'enterrer des musulmans dans un cimetière qui n'est pas un cimetière musulman. Parce que dans l'islam, les musulmans doivent être enterrés dans un endroit qui est séparé de ceux des mouchriquins ou des kuffars ou des juifs et des chrétiens ou autres. Maintenant, il y en a des musulmans ici qui veulent faire des cimetières comme ceux des kuffars. Et il y a même une femme algérienne, elle a fait un site internet pour essayer de créer justement un nouveau cimetière pour les musulmans, parce qu'elle est allée voir le cimetière à Laval, hein, le cimetière de ICQ, puis elle a trouvé que c'était pas beau et propre comme le cimetière des chrétiens, elle trouvait que c'était un petit peu abandonné, donc elle a voulu s'associer avec les chrétiens. Elle est allée voir Mamius Poirier. Puis là, ils ont trouvé supposément une terre pour enterrer les musulmans, mais c'est une partie d'un cimetière qui fait partie du cimetière des chrétiens. Hein? Et là, maintenant, ils ont annoncé ça dans les médias, ils ont dit que ça y est, maintenant, ils vont faire ce cimetière-là dans un cimetière chrétien, il y aura une partie pour les musulmans. Donc ça, c'est pas permis déjà. Et aussi, elle, qu'est-ce qu'elle voulait faire? C'est comme, elle dit, regardez les chrétiens, leur cimetière, comment c'est beau, comment c'est propre, les pierres tombales et tout ça c'est contraire à la sunna, et tout ça, ça vient confirmer qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans le hadith, qu'il y aura des musulmans qui vont essayer d'imiter les juifs et les chrétiens pas à pas, hein, jusqu'à ce que si l'un d'entre eux rentre dans le trou d'un lézard, eh bien vous allez essayer de les suivre dedans. Donc elle tombe dans le trou de lézard, cette femme, en essayant d'imiter les juifs et les chrétiens dans leur façon de faire leur cimetière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos des cimetières, il a dit, visitez-les parce que ça vous rappelle de la mort. Mais pas que ça doit être un endroit de balade ou de visite ou un endroit de paysage comme tu vas au cimetière de Côte-des-Neiges, tu vois, il y a des chemins pour les voitures, puis il y a toutes des beaux arbres, des beaux trucs, comme si c'est, on dirait que c'est même pas un cimetière. Donc, juste un instant, avez une question à faire? En fait, ça, c'est ce que chaque musulman, surtout si on est converti, on devrait tous faire un testament pour expliquer qu'on veut se faire enterrer à la façon musulmane. Mais c'est évident que les musulmans, même ici, ils n'ont pas la possibilité de faire un enterrement d'une manière qui contredit la loi canadienne ou la loi du Québec, par exemple, par rapport à l'enterrement. Donc si les musulmans ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de faire l'enterrement le plus possible semblable à l'enterrement islamique dans les limites de qu'est-ce que la loi des kuffars leur permet. Mais il y a toujours des contradictions avec la charia dans la façon de le faire. Donc c'est pour ça que ça, c'est une autre chose qui vient confirmer l'importance pour le musulman de faire la hijra et de quitter les pays des kuffars pour aller vivre dans les pays musulmans, pour que si on meurt, on va se faire enterrer dans une façon qui est islamique. En fait, si ton père n'est pas musulman, toi t'es musulman, tu ne dois pas t'occuper de son enterrement. À moins qu'il n'y ait personne d'autre pour t'occuper de lui. Alors dans ce cas-là, tu fais. Mais sinon, tu ne t'en occupes pas. Tu laisses les autres membres de ta famille qui sont kuffars s'occuper de lui. Mais tu ne vas pas le faire selon l'islam, parce que c'est un kafir. Même un murtad, par exemple, quelqu'un qui était musulman, qui a quitté l'islam, il ne va pas être enterré selon la façon islamique. Non, ça je le sais, mais moi je te parle même de la façon de l'enterrer, c'est pas comme les musulmans. Même les ulama, ils disent, si c'est un kafir, quelqu'un qui était musulman, qui est devenu murtad, on ne l'enterre même pas. On prend son corps puis on le jette dans un trou ou quelque part comme ça. Le cheikh Ibn Uzaymin, il dit, on le met dans un endroit pour que son odeur ne va pas déranger les musulmans, c'est tout. Tu vois? Wallahu ta'ala a'lam. Après, qu'est-ce qu'il explique, le cheikh, il dit, « وَفِيهِ التَّنْبِيرُ عَلَى مُخَلَفَتِنَا لِأَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى فِي وَضْعِ الْمَيِّتِ فِي أَسْفَلِ الْقَبْرِ » Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, et il y a ici une note au sujet de l'importance de contredire les gens du livre, même dans la façon dont on met le mort en dessous de la terre, dans sa tombe. Il dit, « وَأَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ » Juste avant de rentrer dans l'autre sujet, cette femme algérienne, Allah nous sait, que Allah la guide, parce que c'est, d'après moi, une femme qui n'a pas étudié la religion musulmane, ne connaît pas l'islam, et n'a pas étudié la charia, donc, elle fait les choses selon son opinion, selon son point de vue personnel, elle ne connaît pas vraiment les détails de la charia à ce sujet-là. Il aurait été préférable pour elle de consulter les hommes de science islamiques pour demander leur conseil. Et en partant, je lui conseille de téléphoner ou de contacter le chef Farkos en Algérie pour lui poser des questions à ce sujet. Et Cheikh Farkos, Inch'Allah, va lui donner les conseils bénéfiques et les explications nécessaires pour savoir comment les choses doivent être faites de la meilleure manière pour que ce soit acceptable selon la religion musulmane. Parce que le Cheikh, il a des connaissances vraiment spécifiques et détaillées sur ces questions-là. Il y a déjà quelques fatwas à ce sujet dans son site internet. Aussi, qu'est-ce que je voudrais dire, c'est que malheureusement, j'ai vu même dans son site la photo du soufi Naqshbandi égaré, Omar Kone. Et si elle est alliée avec ce genre de personnes, donc on comprend que ce sont des gens qui non seulement sont alliés avec les chrétiens, mais on comprend pourquoi. Parce qu'ils ont une contradiction dans la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a et une opposition avec la voix des gens de la Sunna. Donc, parce qu'on sait que les soufis, l'Aqshbandi, et puis de toutes les autres turcs aussi, ils sont les premiers toujours à vouloir s'associer avec les juifs et les chrétiens et les kuffars, et à dire qu'ils veulent régler toutes les religions et qu'ils ne font pas de distinction entre le kafir et le musulman. Après, il dit أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه. Il dit également, il est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud, dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Je fais souvent cette erreur. Je mets le micro dans l'écouteur au lieu de. Comme si je mets le truc de l'écouteur dans le micro. Au lieu de mettre le micro dans. En tout cas. Quand j'arrive à la maison, j'écoute le son est complètement pourri. Bon, alhamdulillah, je m'en suis rendu compte aujourd'hui. Alhamdulillah. Non, il n'est pas installé, il n'est pas. Il ne fonctionne pas. Je ne l'ai pas. Hein, je suis parti. Na'am. Donc le cheikh, il dit selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'est pas des nôtres, ou il n'est pas de nous, celui qui se frappe les joues, se déchire les vêtements et appelle à des appels de la jahiliya. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Qu'est-ce que ça veut dire ce hadith là, celui qui se frappe les joues? Parce que les Arabes, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque de la Jahiliya? Quand on leur apprenait un malheur ou quelque chose qui arrivait qui était triste ou grave, la mort de quelqu'un ou des choses comme ça, la première chose, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils se frappaient eux-mêmes et ils se déchiraient leurs vêtements. Al-Juyub, c'est l'ouverture du col ici. Donc ils s'arrachaient les vêtements, ils se graffinaient la face, ils se frappaient les joues et ils commençaient à appeler à des appels de la jahiliya. Appel de la jahiliya dans le sens de faire des appels au nom d'une tribu, au nom d'un pays, au nom d'une nation, au nom de quelque chose. On va l'expliquer après de toute façon. Le cheikh il dit ومنه قوله فيما رواه يدي ودعوى الجاهلية ندب الميت. دعوى الجاهلية aussi ça peut être lorsque quelqu'un est mort, quelqu'un va se tenir pour commencer à raconter toutes les bonnes choses que cette personne-là faisait dans sa vie. Ça c'est une tradition que les kuffars font et il y a des musulmans qui ont l'habitude de le faire maintenant et ça fait partie de la des habitudes de la jahiliya. C'est pas permis pour les musulmans de faire ça. Une fois, j'étais dans une mosquée, il y a quelqu'un qui est mort, il y a un homme qui s'est tenu en avant de tout le monde, il commençait à dire, un tel, il est mort, un tel, il a fait ça, il faisait ça, c'était un grand musulman, c'était un bon musulman, il faisait des bonnes choses. Ça fait partie de da'wa al-jahiliya, c'est pas permis. C'est-à-dire de faire ça, de faire des speeches là, comme les kuffars ils font pour mentionner les bonnes choses de cette personne, ça c'est pas ça, c'est contraire à l'islam de faire ça. Ça fait partie de la jahiliya. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demander pardon à Allah pour lui et invoquer Allah pour lui individuellement. Il n'y a pas d'autre chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait par rapport à ces situations-là. Après, le cheikh, il dit وَمِنْهُ يعني il dit وَتَكُونُ دَعْوَ الْجَهِلِيَّ فِي الْعَصَبِيَّ. Ici, aussi, دَعْوَ الْجَهِلِيَّ, ça rapport aussi avec le fait d'être fanatique ou bien de vouloir... fanatique dans le sens... Comment je veux dire fanatique? Dans le sens que tu t'attaches à quelque chose, quelque chose qui te distingue et à laquelle tu appartiens par rapport à tes origines, ou bien à un groupe, ou bien à un pays, ou à une tribu, ou à un gang, quelque chose comme ça. On va donner des exemples après. Après, il dit ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهن أبيه ولا تكنوا. Voilà techno. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed. Et c'est rapporté selon Ubay ibn Ka'b. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se donne de la fierté en s'attribuant ou en parlant, en essayant de se rattacher ou de s'attribuer des liens avec des choses qui ont été faites dans la jahiliya ou par rapport à qu'est-ce que ses ancêtres ont fait. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Qu'est-ce que ses ancêtres ont fait dans la jahiliya? Il veut prendre de la fierté de ça. Hein? Eh bien, il a dit: dites-lui de mordre les parties intimes de son père. Dites-lui de mordre les parties intimes de son père et ne faites pas de kiyan, yani. Dites-le clairement. Dites-le directement. Passez pas par des... comme des fois on n'ose pas dire un mot parce que c'est laid. On utilise un contour pour éviter justement de dire ces mots-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites pas ça, dites-le clairement, comme s'il mordait la partie de votre père. Hein? Si vous voyez quelqu'un qui fait ça, dites-lui ça. Fa'a'idduhu bihani abihi. Hein? Donc al-hanu, c'est ça, c'est les parties intimes. Non, ça veut dire que si lui il fait ça, dites-lui ça en retour, dites-lui: mords les parties intimes de ton père, va mordre les parties intimes de ton père. Ouais, c'est comme une insulte, dans le sens que pour dire que de chercher de la fierté par tes ancêtres qui font partie de la jahiliya ou par des choses qui ont rapport avec la jahiliya, ça c'est quelque chose qui est mauvais, et donc cette personne ne mérite pas d'être honorée, elle mérite d'être insultée. C'est ça ce que ça veut dire. وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. Donc il dit ici dans un autre hadith qui est rapporté selon Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a quatre choses dans ma umma qui font partie des choses de la jahiliya que les gens ne vont pas délaisser. Il a dit al-fakhru bil-ahsab, c'est-à-dire d'essayer de se vanter de son niveau social, de sa classe sociale, hein, ou bien de ses liens, comme de son statut de noblesse. Tu dis: moi je suis un noble, je suis de telle famille, je suis descendant de telle origine. Tu prends de la fierté de ça. وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ, c'est-à-dire d'insulter quelqu'un à cause de son origine ou à cause de sa couleur, hein, des choses comme ça. Ça c'est une autre affaire qui fait partie de la jahiliya. Et الْاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ, de penser que la pluie est influencée par la position des étoiles et d'attribuer la pluie aux étoiles. Ça aussi, ça fait partie des affaires de la jahiliya. Et aussi, al-niyaha. Et al-niyaha, c'est quoi? C'est ceux qui, ceux qui, par exemple, se lamentent ou pleurent lorsque quelqu'un meurt. À l'époque, les gens faisaient ça. Même il y avait des gens qui étaient spécialistes, des pleureurs spécialistes. On les payait pour pleurer que quelqu'un qui est mort. Hein? Ça se fait encore? Bon, ça fait partie de la jahiliya. OK? Et aussi, al-niyah, il y a des ulama qui ont dit que ça fait aussi partie de ça, de mentionner toutes les qualités de la personne, puis toutes les bonnes choses qu'elle a faites, ça aussi. Et ça, on le voit dans les pays musulmans. Je sais qu'en Afrique de l'Ouest, il y a les griots, quand quelqu'un meurt ou quand il y a quelque chose, eh bien là, ils vont commencer à chanter toutes les grandes choses que cette personne a faites et ses ancêtres. Et ainsi de suite, commence à raconter toutes sortes d'histoires, la plupart c'est des mensonges, hein? Ils mélangent le vrai et le faux, Allah al-Musta'an, et là les gens leur jettent de l'argent, pendant qu'ils sont en train de chanter là, et les gens ils avaient un sac avec plein d'argent, et commencent à vider cet argent là sur eux, pendant qu'ils sont en train de faire ça. Et plus que l'argent tombe, plus qu'il chante fort. Et plus qu'il dit des mensonges. Allahu al-musta'an. Donc, le cheikh, il raconte, il rapporte encore dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui fait ça, hein, qui fait niyaha, soit qu'elle pleure le mort ou qu'elle fait ses éloges, si elle ne se repent pas avant sa mort, elle va se tenir au jour de la résurrection avec des vêtements de goudron et une robe de dir'un min jarab. C'est ça la gale, barakallahu fik, avec une robe de gale. J'avais oublié. En principe, c'est quand la personne meurt. Dans l'islam, quand il y a quelqu'un qui meurt, on prépare de la nourriture pour la famille du défunt. Et on va lui donner pour que, justement, cette famille-là, étant donné qu'elle a été éprouvée par la mort de quelqu'un, elle ne se sent pas apte à faire à manger. Donc, on lui amène de la nourriture pour faciliter. Maintenant, qu'est-ce qui se fait dans les pays musulmans? Ils appellent ça al-ma'atim. Al-ma'atim, c'est le contraire. C'est la famille du défunt qui fait à manger pour les invités. Et c'est le contraire de qu'est-ce que l'islam ordonne. Ça, c'est ça. Ça, c'est qu'est-ce que font les koufars. Et les haïtiens, ils font ça en passant. Hein? Ça, c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Ça n'a pas rapport avec la religion musulmane. Et surtout si le frère a déjà été enterré, puis il est déjà mort. Donc je vois pas comment on va faire une fête pour lui. Allahu musta'an. En tout cas. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc que celui qui est donc le hadith, celui qui fait ça, s'il se repent pas avant sa mort, il va être ressuscité au jour de la résurrection avec un vêtement de goudron et une robe de gale. Rawah ou Muslim, c'est rapporté par Muslim. Donc on voit que là maintenant on est dans les hadiths qui blâment qu'est-ce qui a rapport avec la jahiliya. Et la jahiliya, c'est une époque qui, de tout ce qui avant, qu'est-ce qui existait ou qui se faisait avant l'islam. Parce que avant l'islam, les gens étaient dans l'ignorance. Et c'est pour ça qu'on dit jahiliya, parce que jahiliya, ça vient du mot jahl en arabe. Puis le mot jahl qui veut dire l'ignorance, d'accord? Donc c'est pas ça fait partie des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de ne pas imiter, comme il nous a interdit d'imiter tout ce qui a rapport avec la jahiliya. Pourquoi? Parce que ça a rapport avec l'ignorance. Donc on n'a pas le droit d'imiter les koufars, les juifs et les chrétiens. On n'a pas le droit non plus d'imiter qu'est-ce qui a rapport avec la jahiliya, et on n'a pas le droit d'imiter le shaytan non plus. Hein? Tout ce qui va en enfer, on n'a pas le droit de l'imiter. Donc il dit ici le cheikh, وَذَمَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ ذُمَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ دَعَى بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَخْبَرَ أَنَّ بَعْضَ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُهُ النَّاسِ كُلُّهُمْ ذَمَّا لِمَنْ لَمْ يَتْرُكُهُ. Il faut comprendre une chose aussi, en passant, parce que cheikh al-Islam, il dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a blâmé celui qui appelle à l'appel de l'ignorance, et celui où il a mentionné aussi que certains musulmans dans la Ummah ne vont pas abandonner certains aspects de la jahiliya. Et ça, c'est dans le but de blâmer celui qui ne délaissait pas ces choses-là. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique de nombreuses fois que quand on dit que quelque chose fait partie de la jahiliya, ça ne veut pas dire que si quelqu'un le fait, qu'il devient kafir ou qu'il est kafir. Ça veut juste dire qu'il fait un péché, qu'il commet un péché, quelque chose qui est haram. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement kufr ou shirk akbar. Le cheikh il dit ensuite, وَكُلُّهُ يَقْتَضِي أَنَّمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَفِعْلِهِمْ فَهُوَ مَذْمُومٌ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ. Et ça implique que tout ce qui a rapport avec les affaires de l'ignorance et de leurs actions, alors c'est quelque chose qui est blâmable dans l'islam, dans la religion de l'islam. Il dit sinon, il n'y aurait pas de blâme d'associer ou d'attribuer toutes ces mauvaises choses-là au fait que ça fait partie de la jahiliya. Il dit ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم. Il dit, il n'y a pas de doute que le fait de les attribuer ou de les associer à l'ignorance et à la jahiliya, ça veut dire que ça vient dans le sens de, du blâme. Et que c'est pour blâmer l'action. Il dit وَهَذَا كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى فَإِنَّ ذَلِكَ ذَمٌّ لِلتَّبَرُّجْ وَذَمُّ الْحَالِ لِحَالِ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْمَنْعُ مِنْ مُشَبَهَتِهِمْ فِي الْجُمْلَةِ. Donc le cheikh il dit également l'exemple de la parole d'Allah dans le Coran, verset 33 dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit aux femmes وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. C'est-à-dire, restez dans vos demeures, c'est-à-dire dans vos maisons, parce que ça c'est la place principale de la femme à la maison, contrairement à ce que yani prétendent ou appellent, à ce à quoi les appellent les féministes, qui appellent les femmes à être les égales de l'homme dans tout et à participer aux activités de la société de la même manière que les hommes. Donc non, Allah, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de la femme et de l'homme, il ordonne la femme de rester dans sa demeure. Donc ça c'est sa place principale. Puis si elle doit sortir pour une nécessité quelconque ou pour un besoin quelconque, oui, elle peut sortir selon les conditions et les règles de l'islam. Mais bien entendu, elle doit respecter ces règles-là pour pouvoir sortir. Et il faut que ce soit, bien entendu, pour quelque chose qui est nécessaire et utile, pas pour n'importe quoi. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى » C'est-à-dire, « Et ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la jahiliya » Hein, la première jahiliya, c'est-à-dire les femmes de l'ignorance, les femmes avant l'islam, comment elles faisaient pour sortir, quand elles sortaient de leur maison, comment elles s'habillaient, comment elles parlaient, comment elles bougeaient, comment elles marchaient, ne les imitez pas. Et comment les femmes de la jahiliya sortaient, et comment elles s'habillaient, et comment elles marchaient, et comment elles parlaient, tout ça c'est décrit dans les livres de tafsir. Donc, allez voir le tafsir de l'imam Ibn Kathir, le tafsir de l'imam Al-Qurtubi, le tafsir de l'imam Al-Tabari. Il décrit comment les femmes avant l'islam, comment elles s'habillaient quand elles sortaient, comment elles parlaient avec les hommes, comment elles marchaient dans la rue, comment elles exhibaient leur charme, et comment elles montraient leur corps, et comment elles se dandinaient, et comment elles adoucissaient leur voix pour attirer les hommes. Tout ça, c'est des choses qui font partie de la jahiliya et que tu trouves aujourd'hui présentes dans les sociétés. Pourquoi ? Parce que les gens continuent à imiter des choses qui font partie de l'époque pré-islamique de l'ignorance. Et donc ça, c'est un blâme du tabarruj, qu'est-ce qu'on appelle en arabe « at-tabarruj ». Et at-tabarruj, ça veut dire quoi? Ça veut dire de laisser paraître les charmes de la femme et de montrer et d'exhiber leurs atours. Donc, tout ça, c'est des choses qui ont été interdites clairement par la charia de l'islam. Et ça fait partie des choses desquelles Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé des choses qui font partie de la jahiliya. Et ça implique, comme le cheikh l'explique, d'interdire et d'empêcher les femmes et les musulmans en général d'imiter les kuffars et les gens de la jahiliya. Ensuite, le cheikh il dit وَمِنْهُ قَوْلُهُ لِأَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا عَيَّرَ رَجُلًا بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ فَإِنَّهُ ذَمٌّ لِذَلِكَ الْخُلُقِ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولأخلاق الجاهلية التي لم يجي بها الإسلام. Donc le cheikh il dit également la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à Abu Dhar, lorsque Abu Dhar radiallahu anhu a insulté un homme en l'insultant en mentionnant sa mère ou l'origine de sa mère ou la couleur de sa mère, alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu es une personne qui a en elle de la jahiliya. Tu es une personne qui a en elle de la jahiliya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a en lui quelque chose qui reste encore de la période pré-islamique. Parce qu'il a dénigré son frère et lui a parlé en l'insultant, en mentionnant soi-disant l'origine ou la couleur de sa mère, comme si c'était quelque chose de mauvais. Et donc, le cheikh explique que ça fait partie des caractéristiques ou des comportements qui sont blâmables dans l'islam. Ce ne sont pas des comportements de l'islam, ce sont des comportements de l'ignorance et de la jahiliya. Et donc, ça c'est un blâme pour ce comportement-là et pour tous les autres comportements de la jahiliya qui ne sont pas des choses qui font partie de l'islam, qui ne sont pas des choses qui viennent de l'islam. Wa minhu qawluhu ta'ala إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية يقتضي ذمها فما كان من أخلاق أخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك. Non. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans wa alaykum salam rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate al-fath, je vais essayer de trouver pour trouver la traduction, sourate al-fath le verset 26, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance. Ok? La fureur de l'ignorance, et il dit ensuite, et puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants. Donc, il dit que le fait de rajouter al-hamiyya, la fureur, au mot jahiliya, ignorance, ça implique un blâme pour cette fureur. Et il dit que ça faisait partie de leur comportement et de leurs actions. Donc tout ça rentre là-dedans. Il dit: wa min hadha ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi an Abdullah ibn Abi Yazid annahu sami'a ibn Abbas radiyallahu anhu qala: thalathu khilalin min khilal al-jahiliyyah at-ta'nu fi al-ansab wan-niyaha ونسيت الثالثة وقال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. Donc ça c'est le même hadith que qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure, que Abdullah ibn Abi Yazid il dit qu'il a entendu Abdullah ibn Abbas qui a dit qu'il y avait trois caractéristiques qui font partie de la jahiliya: le fait d'attaquer quelqu'un dans ses origines, dans son nasab, sa généalogie. Dans ses origines et sa généalogie. An-niyaha, comme on a dit tout à l'heure, de pleurer pour le mort, ou bien de faire ses éloges, ou des choses de ce genre. Ou, il a dit, et j'ai oublié le troisième. Et Soufian, il a dit, ils disent que le troisième, c'est de chercher la pluie par les étoiles, ou de croire que les étoiles influencent la tombée de la pluie. Wa rawa مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. Donc il dit que c'est rapporté également selon Muslim dans son Sahih, selon Al-A'mash, selon Abi Salih, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a deux catégories de personnes. Hein? Il y a deux caractéristiques qui sont présentes chez les hommes et ils sont des formes de kufr chez eux. Ce sont des formes de kufr chez eux. Et il a dit, la première, tu accuses ou tu attaques quelqu'un dans ses origines ou dans sa généalogie. Comme on a dit tout à l'heure, ça veut dire tu vas pleurer pour le mort, ou comme on a dit tout à l'heure, mentionner toutes les qualités du mort et ainsi de suite. Fa qawluhu huma bihim, yani huma bihim ay hatan al-khislatan huma kufrun qa'imun bin-nas fa nafsu al-khislatayn kufr haythu kanata min a'mal al-kufr wa huma qa'imatan bin-nas. Ici, le fait que ces actions-là ont été qualifiées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant du kufr, ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont des kuffars si ils ont ces caractéristiques, mais ça veut plutôt dire que c'est des formes de kufr dans l'action, et des kufr amali ou des formes de kufr mineures. Et qu'on ne peut pas yani, déclarer kuffar des gens qui font ces péchés-là. Mais c'est des formes de péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré comme étant kufr, donc c'est des grands péchés, des péchés graves. Et que ça fait partie des actions des kuffars. C'est ça que ça veut dire. Et ces caractéristiques-là sont présentes. At-tanf al-nasab wa al-niyahatu ala al-mayyit, on les a mentionnés déjà. Donc là, c'est la salat. Donc on va s'arrêter pour faire le adhan. Puis après la salat de Maghrib, on va terminer le cours. Inch'Allah. On va terminer le cours. On a presque fini de toute façon. Faqawluhu هما بهم أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفر وهما قائمتان بالناس. Donc ça c'est le cheikh, il explique que c'est des caractéristiques qui sont des caractéristiques de kufr, et c'est des choses qui sont présentes chez les gens. Ça ne veut pas dire, comme on a expliqué, que les gens qui ont ces caractéristiques-là ont quitté l'islam ou sont sortis de l'islam. Ça veut seulement dire qu'ils ont en eux des formes de kufr amali, des formes de kufr dans l'action, qui sont des formes de kufr mineures. D'accord ? Celui qui les a en lui, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. Mais le cheikh dit « Walakin laysa kullu man qama bihi shu'batun min shu'abil kufri yasiru biha kafiran » الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا الصلاة وكفر منكر في الإثبات وفرق أيضا أو فرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير للكفار في هذا الموضع وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن كما في قوله تعالى خلق من ماء دافق سمي المني ماء تسمية مقيدة ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. Donc le cheikh il explique ici que la mécréance elle a des branches, et le kufr, donc il y a des branches pour le kufr et il y a des branches pour la foi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi elle a 70 branches, 70 et quelques branches. Le cheikh, il dit, ça ne veut pas dire que si quelqu'un il a une branche de la mécréance, que ça veut dire qu'il est mécréant, ou qu'il a la réalité de la mécréance, du kufr. De la même manière que si quelqu'un il a des branches de la foi, ça ne veut pas dire qu'il est mu'min, ça ne veut pas dire qu'il a la réalité de la foi. Par exemple, c'est possible qu'un kafir, il ait une des branches de la foi. Par exemple, imatatul adha anit tariq. Imatatul adha anit tariq, c'est une des branches parmi les branches de la foi, et c'est la branche la plus basse. Hein? Peut-être qu'il y a un kafir, il va voir quelque chose qui est dans le chemin, qui nuit, il va venir, il va l'enlever. Est-ce que ça veut dire que c'est un mu'min? Non, il a une branche de la foi. D'accord? Donc, pour avoir la foi, il faut avoir la base de la foi. Aslul iman. Et la base de la foi, c'est l'iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa l'yom l'akhir wa l'iman bil qadar. Ça, c'est la base de la foi. Mais si tu n'as pas ça, puis que tu as des branches de la foi, ça ne fait pas de toi, hein? Bon, mais de la même manière pour le coffre. Tu peux avoir des branches du coffre, mais tant que tu as la base de la foi, même si tu as certaines branches du coffre, c'est-à-dire des actions, qui sont des actions des kuffars, ça ne fait pas de toi un kafir. D'accord? Et aussi, on disait avant le dars, on a expliqué ça aussi, que même l'hypocrisie, il y a des branches. Nifaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. Ça c'est un hadith. Donc il y a des branches pour l'hypocrisie aussi. Et il mentionne qu'il y a une différence entre le kouf qui a été défini par l'article Alif Lam et le kouf qui n'a pas été défini par l'article Alif Lam. D'accord? Comme dans le hadith, la différence entre le kouf et le shirk, il n'y a pas de différence entre le serviteur et le kouf et le shirk, excepté l'abandon de la salat. Ou bien le kouf qui est indéfini. De faire dire que celui qui fait ça, il a du kouf en lui. Ça ne veut pas dire qu'il est kafir. D'accord? Donc, il dit qu'il y a aussi une différence entre le fait de dire, yani, de façon absolue, kafir ou mu'min, et yani, le fait de voir ces termes-là qui sont mentionnés dans différents hadiths, comme par exemple le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « ne redevenez pas des mécréants, ne redevenez pas kuffar après moi en vous frappant les uns les autres, en vous tuant les uns les autres, en vous frappant le cou des uns des autres. » C'est-à-dire, ne redevenez pas kuffar dans le sens « faites pas cette action-là comme vous le faisiez avant l'islam. » Et ça ne veut pas dire que s'ils se combattent les uns les autres, qu'ils deviennent mécréants ou qu'ils sortent de l'islam. Et il y a des preuves de ça dans le Coran, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans Surat al-Hujurat, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala dit que s'il y a deux groupes parmi les croyants qui se combattent, c'est la preuve que deux groupes de croyants peuvent se combattre. Puis le fait de se combattre, c'est pas une preuve qu'ils sont devenus des kuffars. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne redevenez pas comme des kuffars après moi, c'est pour montrer la gravité de ce péché et à quel point c'est laid et que c'est quelque chose qui est tellement grave que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé kuffar. Et il dit aussi ensuite فقوله يضرب بعضكم بعض يعني تفسير للكفار في هذا الموضع وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق. C'est ça, ils sont pas des kuffars absolus, mais c'est des kuffars dans un sens restreint, c'est-à-dire le kuff mineur. وإذا قيل كافر أو مؤمن كما في قوله خلق من ماء دافق. Il donne un exemple que dans la langue arabe, des fois on appelle le sperme, on l'appelle en arabe ma, al-mani, on l'appelle ma, et c'est une sorte de liquide, donc on l'appelle ma, mais ça ne veut pas dire que c'est de l'eau dans la définition absolue de qu'est-ce qu'on appelle ma. D'accord? Donc c'est des exemples qu'il fait, des comparaisons pour expliquer le terme. Puis après le cheikh il dit وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَا أَخْرَجَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية ثم قال ما شأنهم فيعني أخبروا بكسعة المهاجر للأنصار قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة وقال عبد الله بن أبي بن سلول أو قد تداعوا علينا. لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس بأنه كان يقتل أصحابه. Donc ici il donne l'exemple d'un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. Dans une bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti dans une bataille, et en chemin, hein, ils étaient réunis, les muhajirines et les ansars. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a un homme qui voulait jouer un tour à un homme des muhajirines qui a joué un tour à un des hommes des ansars. Le ansar, il s'est fâché. Il est devenu très fâché, puis il a appelé, hein, contre cet ansari. Et il a dit aux muhajirines, « Oh les muhajirines, venez m'aider. » Et le ansar, il a dit aux ansar, « Oh les ansar, venez m'aider contre ce muhajiri. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça. Et il s'est fâché parce qu'il a dit, est-ce que ça c'est l'appel de la jahiliya? C'est chacun appelle de son parti, alors que vous êtes tous des musulmans, des croyants. Ces deux noms, muhajirines, ansar, ces deux noms parmi les noms que Allah subhanahu wa ta'ala a glorifiés dans le Coran. Mais de les utiliser de cette manière-là pour séparer et diviser les musulmans et les croyants, ça devient quelque chose de blâmable. Ça devient quelque chose de la jahiliya. C'est comme un exemple de qu'est-ce que les Arabes dans la jahiliya faisaient. Ensuite, il a mentionné la parole il a dit da'uha fa innaha muntina. Il a dit laissez ça. Cet appel-là, c'est une forme d'appel qui est puante, qui sent mauvais. Et il a dit que Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il a dit, il a mentionné sa parole, comme c'est mentionné dans le Coran, dans Surat al-Munafiqun, le verset 8, « Si on retourne à Médine, le plus puissant va en sortir le plus humilié, ou le plus bas, en parlant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Et à partir de ce moment-là, Omar ibn al-Khattab voulait le tuer, parce qu'il avait dit cette parole-là, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je ne veux pas que les gens disent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tuait ses compagnons. Et le fils d'Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la tête des munafiqin à Médine, il est allé même empêcher son père de rentrer à Médine jusqu'à ce qu'il l'ait fait dire que c'était lui le plus humilié. Et c'est lui qui allait c'est de lui qu'il parlait quand il disait que c'est le plus il allait en sortir le plus humilié. Donc vous voyez comment même le propre fils, hein, il s'opposait même à son père par rapport à qu'est-ce qu'il avait rapport à l'islam et la foi. Et on va terminer avec le dernier hadith que le cheikh il a mentionné, wa rawahu Muslim min hadith Abi Zubair an Jabir qala iqtatala ghulaman غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجري يا للمهاجرين ونادى للأنصار يا للأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا أدعوى الجاهلية قالوا لا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر فقال لا بأس لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهيه فإن له نصر وإن كان مظلوما فلينصره. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il raconte qu'il y avait deux jeunes garçons qui se sont battus, un parmi les muhajirines et un parmi les ansars. Alors le muhajiri a appelé les autres muhajirines pour venir l'aider, et le ansari a appelé les autres ansars pour venir l'aider. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu, il est sorti, il a dit qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est l'appel de la jahiliya? Et là ils ont dit non, messager d'Allah, mais il y avait deux jeunes qui se battaient l'un contre l'autre, et un a frappé l'autre, il l'a poussé, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit d'accord, sauf que l'homme défende son frère, qu'il soit l'oppresseur ou l'oppressé. Que l'homme défende son frère, qu'il soit l'oppresseur ou l'oppressé. Et s'il est l'oppresseur ou celui qui opprime, qu'il défende son frère en le stoppant et en l'arrêtant de faire de l'injustice à son frère. Et ça, c'est une défense pour lui. Et s'il est l'opprimé, alors qu'ils le défendent, hein, empêchant celui qui l'opprime de l'opprimer et en venant à son secours. Donc c'est pour expliquer que c'était pas comme dans la Jahiliya. Dans la Jahiliya, les kuffars, quand ils avaient un problème, supposons que toi tu es dans ma tribu, ok, et que yani, tu sais que moi j'ai un problème avec quelqu'un de l'autre tribu et que c'est moi en fait qui est dans le tort, c'est moi qui a fait l'injustice, mais étant donné que tu es dans ma tribu, je te dis, moi j'ai un problème avec ce gars-là dans l'autre tribu. Alors la tribu, elle a dit, bon, ok, puisque tu as un problème avec lui, donc nous on est avec toi et on va te défendre contre lui, même si c'est toi qui es dans le tort, c'est pas grave, parce que tu es dans notre groupe, tu es dans notre tribu, hein? C'est un peu comme dans les gangs, hein? C'est la même histoire. Tu as des problèmes avec nous, donc tu as un problème avec toute la tribu. Que tu sois dans le correct ou dans l'injustice ou dans la justice, c'est pas notre problème. Nous on veut juste défendre celui qui est avec nous. Et l'autre tribu pense la même chose. Donc l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu détruire ça avec l'islam. Et il est venu expliquer que non, tu défends ton frère, si c'est lui qui faisait le tort, tu le défends et tu l'aides en l'arrêtant de faire de l'injustice. Et si c'est lui qui avait été opprimé par les autres et qu'on lui avait fait une injustice, eh bien tu l'aides en le défendant contre la personne qui lui fait de l'injustice. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On lira l'explication de ça dans les paroles de Cheikh Saleh Al-Fawzan au dernier cours, au prochain cours, inshallah. Donc subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fiyaka baraka.